أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من أراد الله به خير يسهل له التعلم عن الدين، لأنه بعلم الدين الإنسان يميز بين ما أمر الله تعالى وما نهى عنه. والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه في طاعته، أي بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، والله غني عن شكرنا سبحانه وتعالى. قد دخلنا في السنة الهجرية الجديدة 1437، يعني مضى على الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة يثرب، التي سماها الرسول المدينة. وهذا يعني كما نعلم الهجرة بأمر من الله سبحانه وتعالى، فرض الله ذلك، وليس يعني الرسول يعني هربا أو جبنا. لا يجوز يقول يعني يقال كما يقول الكفار هرب الرسول من مكة، لأن الرسول كان أشجع الناس، والصحابة كانوا يقولون إذا اشتدت المعركة إذا حمي الوطيس كنا نتقي المشركين برسول الله، وكان أقرب الناس إلى العدو. الرسول بقي 13 سنة يدعو يعني في مكة، ثم جاء الأمر بالهجرة. فيها حكم يعني، يعني حتى تتقوى يعني شوكة المسلمين في المدينة، وإلى غير ذلك من الحكم، وليس هرب أو خوف. ويعني في الجملة أنه كل شيء بتقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، هو عالم بكل شيء. يعني هذه قاعدة أكد عليها، أن كل شيء بتقديره، لا يحصل شيء بتقدير الله ومشيئته. الله عالم ما أنه سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، عالم بكل شيء. فلذلك نقول سبحان الذي يغير وما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. إذا كل ما يحصل من خير أو شر أو يعني إيذاء الكفار للمسلمين في مكة، هذا بتقدير الله ومشيئته، وهو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لا يوصف بالظلم. الإنسان إذا فعل معصية هذا بتقدير الله. إذن الله تعالى شاء أنه يعني يكون يعني نصر المسلمين، قوة المسلمين تكون يعني في المدينة. ثم رجع الرسول فتح مكة عليه الصلاة والسلام. Donc, on a dit que l'importance de la formation de la religion, comme d'habitude, ça permet de connaître le bien donné à l'interdit. Et c'est ainsi qu'on remercie Dieu, en sachant qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Et on a dit, nous voilà dans une nouvelle année de l'Hijr 1437. Et on va dire, émigrer sous l'ordre de Dieu, ce n'est pas par peur ou fuite, ce n'est pas par lâcheté. Donc, il n'est pas permis de dire que le poète s'est enfui, comme disent certains chrétiens. Il a émigré sous l'ordre de Dieu, de la Mecque à Médine. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Tout est prédestiné par Dieu, Dieu sait tout. et tout ce qui arrive est selon sa volonté. Donc, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Donc, Dieu il sait qu'il y aura telle chose et telle chose, il sait tout. Il n'a pas rien, il ne change pas. Dieu a voulu que ce soit ainsi que les musulmans se renforcent à Médine et qu'il y a que la misance des mécréants envers les musulmans à la Mecque, tout ça c'est par la volonté de Dieu, évidemment. Et Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. L'injustice est impossible à son sujet. Donc, pour être voyager sous l'ordre de Dieu, on a dit qu'il était le plus courageux des gens. Et même les compagnons disaient que quand la bataille devenait rude, ils se mettaient derrière le prophète dans la bataille et il était le plus proche de l'ennemi. Et donc, c'est après Médine que les musulmans sont venus conquérir dans la Mecque. Et donc, c'est le tarif de l'Hijra. هذا يعني أول ما استحدثه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يبين لنا وجود البدع الحسنة في الإسلام، البدع وأنها مقبولة. يعني الرسول ما كانش يحسب بتاريخ الهجرة عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر عندما كان خليفة يعني اجتمعوا بأنه يعني يعملوا افعلوا تاريخ يعني يعتمدوا تاريخ، فبعضهم قال نبدأ التاريخ بولادة النبي، بعضهم قال بنزول الوحي، بعضهم فسيدنا عمر كانت عنده الفكرة أنه الرأي أنه يبدأوا يعتمدوا التاريخ بالهجرة، وكان هذا معتمد للآن كما هو مثل ما أنه هو كان عنده الرأي أنه المصحف هذا يجمع الكتاب واحد، هذا رأي سيدنا عمر. الإمام واحد في التراويح هذا رأي سيدنا عمر. إذن وبدع أخرى حسنة فعلها المسلمون كالمحراب، كالصومعة، كتشكيل المصحف إلى غير ذلك. إذن هذا تاريخ الهجرة عادة المسلمون ومبني إذن على مراقبة الهلال، مبني على الأشهر القمرية 12 كما مذكور في القرآن. أولها محرم، يعني شهر يعني بدأ يعني رؤية الهلال، فكان 29 ذي الحجة فرؤية الهلال يوم الثلاثاء، فبالتالي يوم الأربعاء كان أول محرم. يوم الأربعاء كان أول محرم، لأنه الاعتماد هي كما بينا بالرؤية الهلال وليس مجرد حساب، كما ورد في حديث عن رمضان وهو عام في كل الأشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنهم ما عليك فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فرض كفاية مراقبة الهلال، فرض كفاية المسلمين، يعني فرض كفاية معناها فرض أن يكون في جماعة المسلمين من يراقب الهلال، فرض كفاية. وبالتالي يكون يعني يوم عاشوراء اللي هو 10 من محرم يكون يوم جمعة يوافق 23 أكتوبر. يعني يكون يوم الجمعة لأنه العاشوراء هي العاشر من محرم. وحصل في أشياء ومن السنة أن يصومه وليس فرضا كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس فرض، وأن يصوم يوما قبله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، هو التاسع يعني يوم قبله يوم الخميس، حتى يعني معليش يزيد يوم بعده. كل هذا مستحب، يعني عند الشافعي يسن ثلاثة، عند الشافعي يوم قبله وبعده فيكون ثلاثة. عاشوراء كذلك يعني فيها أشياء يعني عبر رسول يعني أمر استحبابا بثيابه، لأنه حصل فيه أشياء يعني نعم لله تعالى على عباده، فبهذا يصاب هذا يعني لشكر الله على نعمه، ويتجدد ذلك الشكر في نظير ذلك اليوم كل سنة. وفي هذا السياق كذلك العلماء استدلوا على سمية واستحباب عمل المولد، لأن قالوا إذا النبي صام يوم عاشوراء شكرا لله تعالى لأنه نجى موسى ونجى موسى وكذلك نوح إلى غير ذلك ويونس إلى غير ذلك، فشكر الله بصيام هذا اليوم، فكذلك عمل المولد هو شكر لله تعالى على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجدد ذلك الشكر في نظير ذلك اليوم من كل سنة. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من يذكر هذه التفاصيل ويربط الأحكام ببعض؟ يا العلماء الإسلام، ليس أي واحد عنده دكتوراه يحك راسه يتكلم في الدين، هكذا الدين. الدين لابد إنسان عنده مشايخ وسند مرجع، والسند يكون متصل إلى النبي. نتعلم الدين إلا بسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنما العلم بالتعلم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. Donc on a vu donc pour cette la médiégie en fait c'est une innovation faite par Sayyidina Omar. Il a eu l'idée de faire ça. Donc à l'époque le prophète il comptait pas avec la médiégie. Donc ça montre bien que les musulmans ils acceptent. Que ce soit les musulmans, les savants déjà, et on voit un dit qu'ils font compte, même les gens du combat, donc c'est connu chez les musulmans qu'on accepte la, donc, l'innovation. Donc on compte, on accepte la médégir, on commémore la médégir à l'unanimité. C'était innové par Sayyidina Omar. Ça montre bien que chez les musulmans, il y a la bonne et la mauvaise innovation. Donc c'est pas comme disent certains groupes égarés, ils disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a. C'est des gens égarés, donc leur avis n'est pas pris en compte. Donc Omar, il a eu l'idée donc, de voilà, on va compter avec les médias. Ils avaient fait une réunion en fait. Et certains ils ont dit on va commencer à compter avec la descente du prophète, d'autres ils ont dit avec la descente de la révélation. Omar, il a suggéré et qu'on va compter avec l'immigration. Et les musulmans depuis comptent avec l'ami d'Igir. Donc, c'est 12 mois lunaires, hein, comme c'est dit dans le Coran, il y en a 12, là c'est Muharram. Et comme ça a été vu le poisson lunaire, donc c'était le mercredi le premier, le 29 de Dhul-Hijja, c'était le mardi. C'est comme ça, tous les mois on observe, le 29 de chaque mois on observe. Si on voit le poisson, c'est le premier, si on ne voit pas, on complète 30. C'est comme si c'était dans le hadith concernant le Ramadan, et c'est général à tous les mois. C'est pas avec le simple calcul qu'on sait les mois, c'est pour ça que c'est un devoir pour les musulmans d'observer les lunes. Donc la lune, en fait, pour voir le début du mois. C'est un devoir sur eux, c'est un devoir d'autres communautaires. C'est pas un devoir sur chacun, mais d'autres communautaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans tel groupe de musulmans qui observent. Et donc, c'est le mercredi le premier, donc comme on a dit, c'est une innovation, et puis Omar lui-même qui a innové ça, et c'est lui-même qui a innové, il a eu l'idée qu'on réunit tout. On réunit le Mus'haf, le livre du Coran. Ça n'était pas un seul livre à l'époque du Coran. C'est Omar qui a eu l'idée qu'on fasse un rassemble dans un seul livre. Alors, bah, c'est utilisé hein, dans toutes les maisons des musulmans, normalement, ils ont au moins un livre de Mus'haf. À l'époque du Coran, il n'y avait pas un livre comme ça, un seul. Ça a été innové, l'idée de rassembler. Bien sûr, l'ordre n'est pas innové. L'ordre qui existe dans le livre, c'est le prophète qui l'a dit par révélation. Mais il n'y avait pas un seul livre rassemblé, c'était dispersé. C'est normal, il a eu même l'idée de faire un seul imam pour Tarawih. Puis les musulmans, ils ont innové d'autres choses, comme les minarets, le mihrab où c'est un imam, etc., etc. Faire les points, les voyelles, les tashkil dans le mushaf, etc., etc. Donc ça montre qu'il y a des bonnes innovations. Et parmi ceux-là, c'est l'année de l'Égypte. On perd avec la tête de l'Égypte depuis l'immigration. Le point est qu'elle a immigré 13 ans après avoir reçu la révélation environ. Donc, il restait 3 ans à la Mecque, donc c'est pas par fuite comme on a dit, on ne dit pas il s'est enfui, on dit il a émigré sous l'ordre de Dieu. On est dans Muharram, on a dit, le 10 justement, il y a un autre événement, c'est Ashura. Voilà, ça fait le 10, Ashura. Il est recommandé de jeûner, le voit, il a recommandé de jeûner cela. Pour remercier Dieu. Pourquoi il a jeûné? Parce que en ce jour-là, Dieu a sauvé Moussa et ça l'a sauvé donc Mounes, Noé, etc. Donc pourquoi il remercie Dieu et ce remerciement se répète dans le semblable de ce jour dans chaque année. Et les savants qui sont intelligents, qui sont la référence en islam aussi. Ils ont pris cette preuve-là pour dire que c'est une bonne chose, c'est recommandé de faire l'aulé, commémorer l'ascension du prophète, parce que c'est remercier Dieu d'avoir envoyé le prophète, et ce remerciement se renouvelle dans le jour semblable à ce jour-là dans chaque année. Vu que le prophète il a jeûné à Ashura pour remercier Dieu d'avoir sauvé, accordé la victoire à ce prophète-là. Et ce remerciement, il se répète. Pour le Maoulid, pareil. Donc, vous voyez, les preuves, c'est pas n'importe qui se gratte la tête, il parle de la religion, où il y a des sectes qui disent ils renient la bonne innovation. Il ne faut pas donc suivre ces gens-là égarés. Ils ont une preuve. La religion, elle a des preuves. C'est pas la vie personnelle comme ça. Donc, on a dit, ça sera. Donc normalement, comme c'est mercredi le premier Muharram, donc le 10, ça tombe le vendredi. Donc ça tombe le vendredi, le vendredi prochain en fait. Donc vendredi prochain, ça veut dire le 23. Vendredi prochain, donc ça sera Ashura. Et c'est recommandé de jeûner. Et puis le prophète, il a dit, si je vivrai dans le sens, si je jeûnerai l'année prochaine, je jeûnerai le 9. Le 9, c'est un jour avant, un soir avant. C'est jeudi, donc c'est recommandé, c'est pas obligatoire de jeûner aussi un jour avant. Ça reste, tout ça, c'est recommandé. Et même chef, il a dit de rajouter aussi un jour après. Donc jeudi, vendredi, samedi. Hein. Tout ça, c'est recommandé. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait, il n'a pas péché, mais il a raté des récompenses. Et donc, comme on a dit qu'il y a un jour de la journée, il y a un jour de la journée, il y a un jour de la journée, il y a un jour de la journée, il y a un jour seulement. طبعا كل ما يزيد احسن اذا خميس جمعه والسبت اذا هو يعني هو يجوز ان يصوم يعني يوم وحده ولو يوم جمعه في هذا لانه مستحب في خصوصا في عاشوراء والا القاعده انه إذا في غير يعني مناسبة يعني في حديث كذا يكره أن تصيم يعني الجمعة وحده الجمعة وحده إما يوم معه أو يوم بعده. أما في هذا يعني لأنه في الحديث فالكراهة تدفع بهذا الحديث، أنه يعني يجوز أن لا يكره أن يصوم جمعة واحدة هو لأنه يصوم عاشوراء. والأحسن يوم قبله ويوم بعده، هذا من باب الاستحباب. وهذا يعني قلنا شكر لله تعالى لأنه نجى هؤلاء الأنبياء. في حوادث نذكرها يعني بالتفصيل، يعني نذكرها. هو النبي عندما قدم المدينة يعني بعد ما رجع يعني هو من فتح مكة، في آخر يعني آخر يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد اليهود يصومون يعني عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا اليوم نجى الله أظهر موسى وبني إسرائيل على فرعون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم، أنا ديننا دين موسى، لأن إن الدين عند الله الإسلام، موسى ليس يهودي ولا نصراني، كل الأنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يقولوا دين الإسلام يعني نفس الدين مثل النبي نفس الشيء، الناس ما يفهموش يعني، يقولوا الدين الإسلام يعني نفس الدين جاء به النبي، وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، نفس الدين، فرق هو الشرائع. فكثير في الكتب وكذا والناس جهال تعلمش الدين، يقول لك أديان السماوية الثلاثة، هذا لا يجوز، يقول الكلام هذا، إن الدين عند الله الإسلام، يهود النصارى كفار، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، إذا غير ذلك من كفر، يقالون، وإن كان هو محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. موسى مسلم، عيسى مسلم، كل أنبياء مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنبي قال نحن أولى بموسى منكم، وقال صوموا، أمرهم بالصيام استحبابا. وقال العلماء هنا الرسول ما قالش، لم يقل الرسول أي هم يصوموا وأنتم ما تصوموش، خاطر هم بداوا يصوموا. بعض الناس يقول لك ما نعملوش المولد لأن النصارى يحتفلوا بعيسى وكذا، مش دخل هذه في هذا. المسلم لو كان يعلم يعني متى ولد عيسى لاحتفل به، لأنه عيسى مسلم، والأنبياء أفضل من الملائكة، يحترمهم ويحبوا الأنبياء، عيسى مسلم. الرسول ما قالش هاي تصوموش أنتم لأن اليهود يصوموا، قال صوموا نحن أولى، لأن ديننا دين موسى، لأنه مسلم يعني. وهذا يعني يبين كذلك استحباب فعل المولد، هو يعني جاي إن شاء الله في ربيع الأول، وهذا أدلة، هذه الأدلة يقال العلماء، ليس لا يستمع الإنسان كلام الجهال يقول بدعة بدعة، قلت الرسول ما عملش الهجرة، الرسول عمل السنة الهجرية، فهذا جهال بالدين ما عندوش الدين، هذايا معترف لي عاش في بلاد المسلمين، هذا أليس هذا معروف في بلاد المسلمين؟ لي عاش صغير في بلاد المسلمين، هل هذا شيء جديد؟ هذا ليس شيء جديد، السنة الهجرية والمولد وعاشوراء وكذا والإسراء والمعراج هذا معروف، كيف يجيو ناس ضد يقول لك بدعة بدعة، هم جاوا بدين جديد فهم بدعة في الحقيقة، هم بدعة، هم جاءوا بدين جديد يعاش بلاد المسلمين، ونحن عشنا بلاد المسلمين، يعرف هذا شيء معتاد عند المسلمون، ما فيش خلاف أهل من يحيون ذكرى السنة الهجرية والمولد وإسراء المعراج إلى غير ذلك. الله يبارك فيك ما هو سيسي بارك الله فيك، أول سيسي فيك يقول لك يقول لك Donc on a dit que comme Ashura ça tombe le prochain. Donc on rappelle maintenant parce que pour que les gens ils jeûnent parce que pour jeûner il faut s'abstenir à mon loup. الصيام يمسك قبل الفجر كما نعلم. ينمي قبل الفجر وفي السنة يجوز أن تنمي قبل إذا لم تأكل شيء واستيقظت يجوز أن تنمي قبل الظهر. إذا ما أكلت شيء وما شربت وما عملت شيء يبطل الصيام في النافلة يجوز أن تنمي في الصباح. Donc il est permis de donc faut mettre l'attention la veille. Et c'est dans la fila, c'est permis de mettre l'intention le matin. Si tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu, tu n'as rien fait, ce qu'il y a de jeûne, avant de dormir, tu peux mettre l'intention. Donc on a dit qu'on le croit qu'il arrivait à midi. Donc, il a trouvé les gens, les mécréants, les fils d'Israël, ils jeûnaient. Ashura. Il leur a dit, c'est pourquoi ? Ils l'ont dit parce que ce jour-là, Dieu a donné la victoire à Moussa. Et le fils d'Israël se prend. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Il a dit, nous sommes prioritaires sur Moussa. C'est-à-dire, Moussa, il est musulman. Donc, on est comme musulman comme Moussa. Donc, c'est nous les prioritaires parce que nous, c'est les musulmans. Il n'a pas d'autre religion que l'islam. Il a la même religion que le prophète, exactement. La langue change, les lois changent, mais c'est la même religion. Donc il n'est pas juif ni chrétien, donc ça. Il est musulman. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Donc, ça, c'est on rappelle l'important, parce que des gens viennent du bled, des gens, ils ont 50 ans, ils ne savent même pas que Moussa, c'est des musulmans. Donc on en a vu des gens comme ça. Donc ça, c'est vraiment les bases. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Inna dina indallah l'islam. Et les gens, je crois qu'ils ne lisent pas le Coran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فما الناس كانوا بتقرأش القرآن يعني الله قال وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. هذه آية واحدة. الناس بتناقش تقول لك يهود والنصارى كيفاش ما فيهاش نقاش. الدين الصحيح هو الإسلام. Il y a des gens qui montrent que ceux qui disent qu'il est croit, qu'il a un fils, etc., c'est des mécréants. Je dis, pourquoi on ne reconnaît pas Sayyidina Muhammad, il est mécréant. L'Adi Laïa nous dit Moussa ou Akaïna. Ça me rappelle que l'Adi Laïa nous dit Muhammad. Celui qui ne croit pas en Moussa, il est mécréant. On peut dire celui qui ne croit pas en Muhammad. Celui qui ne croit pas en Isa ou Moussa, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas en Muhammad, il est mécréant aussi. Donc, il a dit de jeûner, le prophète. Parce qu'il a dit, c'est nous prioritaires. Parce que nous, on suit vraiment Moussa. Eux, ils ne suivent pas Moussa. Parce que Moussa, tous les prophètes, ils savent que le dernier prophète, c'est Mohammed, que Dieu, il est unique, il n'a pas de fils, il n'habite pas les cieux, il ne ressent pas ses créatures, il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Tout l'anbiya, à la mouna, à nos nabis, est le zabal ou Sayyidina Mohammed. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed. Wa anna Allah ghani an alamin, lam yalid wa lam yulad. وأن الله خالق المكان والزمان لا لا لا يحتاج إلى الزمان ولا إلى المكان، لا يجري على الزمان ما هو موجود بلا مكان. هذا عقيدة كل الأنبياء، هذا الدين الأنبياء. Donc il a dit de jeûner. Pourquoi? Pour remercier Dieu pour avoir donné la victoire à ses prophètes. Donc ça se traduit donc pour un part sur Ashura, la victoire à Moussa, elle a sauvé Noah, Younes, etc. C'est passé plein de choses dans Ashura. Le prophète est jeune pour remercier Dieu et ce remerciement se répète dans le semblable de ce jour de chaque année. De là, les grands savants, très intelligents, ils ont dit c'est recommandé de faire le Maoulid, de remercier Dieu, commémorer la naissance du prophète, remercier Dieu d'avoir envoyé le prophète et ce remerciement se répète dans le semblable de ce jour de chaque année, tout simplement. Donc, c'est pas n'importe qui parle de la religion, il jette son avis comme ça, en disant, ah, le prophète n'a pas fait, le prophète n'a pas fait. La négligence, le prophète, il n'a pas fait. Donc ça, c'est connu dans les pays musulmans, celui qui a vécu, qui commémore le Maulid avec l'Hijr, Isra al-Mi'raj, Ashura, etc. Ça, c'est connu. Celui qui a vécu dans les pays musulmans, il sait ça. C'est qui a ramené une nouvelle innovation nouvelle? C'est ceux qui interdisent ça. C'est eux l'innovation. Ils ont ramené une nouvelle religion en interdisant ce qui est connu, en interdisant ce qui est connu chez les musulmans. C'est eux qui ont ramené une nouvelle innovation en réalité. C'est pour ça que ça, c'est qui tombe dans leur piège? Celui qui n'a pas appris, celui qui ne connaît pas la culture musulmane. Celui qui connaît, il ne tombe pas, normalement, dans ce piège-là de ces gens égarés. Donc on a dit, c'est jeûner, peut jeûner le jeudi, le vendredi, le samedi, peut jeûner le vendredi tout seul aussi, c'est valable. Parce que ça, c'est pas un jour tout seul, parce que sinon, jeûner le vendredi tout seul, c'est d'habitude, en dehors des événements précis, c'est des conseils. Mais quand il y a un hadith, comme sur le jeûne de Ashura, et que ça tombe le vendredi, on peut jeûner tout seul. Il vaut mieux de rajouter un jour avant, un jour, et puis chez jamais, il rajoute un jour après. Ça, ça reste recommandé, c'est-à-dire que si on ne peut pas, on ne commet pas de péché, mais il y a une grande récompense qu'on rate. إذن هذا يعني ما يتعلق بسنية يعني صيام يعني هذا يوم هو يوم عاشوراء اللي هو قلنا يكون الجمعة المقبل لأنه ثبت يعني بداية شهر محرم يوم الأربعاء ثبت بداية شهر محرم بالرؤية بالطريقة الشرعية يعني يوم الأربعاء. Donc comme il a été confirmé de, selon la religion, le début du mois de Muharram, c'était, on va dire, mercredi. Et donc, Ashura, ça tombe le vendredi, Ashura, ça veut dire 10. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ashabu al-salim, khatam al-nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin, Allahumma salli ala النبي عنا ورزقنا السلام والشفاء والهدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله